Je sais plus où j'en suis, non. Je sais plus où m'enfuir. Même quand le corps réclame un pot de favole, on refuse de dormir. Non. La question est sur toutes les lèvres, que va-t-on devenir? Yo. Sur quoi va-t-on mentir? Yeah. Quels sont les hantises? Journaux banquise, bande dans les 90s. Le sperme ça colle aux mains comme les Smarties. Sous degrés Celsius, plein de lapsus. Ceux de mon espèce ont mis un pied sur la lune avant les pompeurs de culture. Fuck ton architecture, moi je veux un truc du futur. J'aime la garniture, celle de sous la ceinture. Oh baby, ils ont les voitures de luxe, mais les pneus sous gonflés. Avec ma 1007, je vais les désarçonner. Le mainstream m'a pas encore harponné. Mais qui sont tous ces faiseurs à côté de mon talent honnête? C'est vrai ça, qui sont-ils? Repas toujours trop lourd, pense à prendre la tisane. C'est pour mieux reprendre le taf derrière. T'imagines ce qui se passe dans la clairière? Suppose que jamais je démarre de carrière. Je la joue trop solo, je passe plus de temps à rêver, c'est qu'à faire vraiment dodo, yeah. D'un calme olympien, je poursuis le chemin. Je survole les vallées maudites sur un articodin. Je sais plus où j'en suis, non. Je sais plus où m'enfuir. Même quand le corps réclame un peu de favole, on refuse de dormir, non. La question est sur toutes les lèvres, que va-t-on devenir? Yo. Sur quoi va-t-on mentir? Yeah. Quelles sont les hantises? Je sais plus où j'en suis, non. Je sais plus où m'enfuir. Même quand le corps réclame un peu de favole, on refuse de dormir, non. La question est sur toutes les lèvres, que va-t-on devenir? Yo. Sur quoi va-t-on mentir? Yeah. Quelles sont les hantises? Muraille de Chine, champion de self-esteem. C'est la vise, c'est la mise. Quête la scène de vie dont secrètement t'es sous l'emprise. Un empire de toi à répandre avant que tu t'enlises. Oh please mate, arpente les terres inexplorées sur ton Pokémon légendaire. Si ta vie est un RPG, visite le bus de Sanctuaire Boy. J'suis dans ton cœur comme t'es dans le mien. Je sais que les haters m'admirent de loin. Au fond je les aime bien. J'sais plus où m'enfuir, j'sais pas comment grandir. J'ai peur juste d'être un martyr, de jamais m'en sortir. C'est pas que j'aime pas la vie, mais j'peine à m'éblouir. S'ils sont tous ravis, au fond je les envie. Et je publie. Comme si c'était demain que j'allais mourir. Qui partagera cette merde qui m'a tant fait souffrir? Mais la bida s'obstine. Comme panne d'érection sous vaseline. Je sais plus où j'en suis, non. Je sais plus où m'enfuir. Même quand le corps réclame un peu de favole, on refuse de dormir, non. La question est sur toutes les lèvres, que va-t-on devenir? Yo. Sur quoi va-t-on mentir? Yeah. Quelles sont les hantises? Je sais plus où j'en suis. Plus où j'en suis. J'sais plus où j'en suis. J'sais plus où j'en suis. By the tired end.